Quel est le mieux? Peut-être aucun, mais l'idée est bonne. Chez un, la consanguinité, c'est pas le top. Et d'abord, mettre ses enfants dans son trip, sans qu'il puisse juger. Si c'est ce qu'il veut, et sans qu'il comprenne pourquoi devenir comme ça, un jour s'insurge. Ce qu'il faut sur un lieu de paix vierge. On va tout détruire. Tout détruire, quoi qu'on fasse. Bon, effacer la technologie inutile, qui ne sert qu'à se perdre et perdre son temps. Cultiver son sans pétrole. Reprendre ce qui est facile. Pour faire l'énergie utile, sans excès, le vent, l'eau, le soleil, oh, le soleil. N'oubliez pas l'ordinateur et tous ses dérivés, si ce ne sert, si cela ne sert à rien, car ce passe le temps au vote. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire et surtout effacer l'idée d'orgueil. L'idée d'orgueil. L'idée d'orgueil. D'orgueil. D'orgueil. D'orgueil. D'orgueil. Être dans l'union plus que l'individualisme. Aider les animaux à nous rejoindre dans l'ultime. Donc, stérilisation et castration pour me faire. Fraternité, pour ne faire plus qu'une forme de fraternité. Union de beauté. Moi j'y crois à cette utopie. Utopie. Utopie. Utopie. Si seule personne ne la reprend, nous courons tous à notre perte. Autant prendre le bon chemin pour ne pas se trahir et finir par se dire j'aurais dû, car ces mots-là font mal quand toi seul à l'arrivée, sans un refrain qui devient. J'aurais dû accompagner sa peine dans la clarté obscure du vide qui vient prendre un jour une lumière viendra s'étendre. La croiras-tu? La croiras-tu? Thank you.